ils ouvrent contre moi la bouche du mal. Ils parlent avec une langue trompeuse, ils me font la guerre sans cause. Pour prix de mon amour, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien, la haine pour mon amour. Mais toi, éternel Seigneur, agis à cause de ton nom, car ta bonté est bonne. Délivre-moi. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Je louerai vivement l'Éternel de ma bouche. Je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient